Over 7, over 8,5, là, j'ai essayé le 67, hein, mais c'est over 69 de Rainbow. De, oui, la chante, la grande. Over to the Rainbow. Ah, on dirait vraiment Jolly L'anglais, c'est pas important, les paroles. Le plus primordial dans le texte, c'est la francophonie, c'est les mots en français. Alors, Over the Rainbow, comme j'aime bien le dire, Over the Rainbow, Jolly Golden, qui a eu 1000 vies, comme le chantait Brel. Non, j'ai essayé, Brel n'a jamais prononcé le mot, le nom de cette grande dame. Mais il a fait la valse à mille temps, qui n'a pas le temps. Du côté de l'amour, que c'est charmant, une valse à mille temps, c'est toujours moins chantant. On dirait vraiment le vrai, hein? On dirait vraiment. Non, tu te fermes les yeux, tu t'ouvres le tympan, tu te bouches le nez, puis tu tires la langue. T'as senti la langue, là? Ah oui, c'est beau, c'est du genre. Ah, c'est genre Oh oui, c'est vrai, le plat pays qui l'a mis. Alors, c'est deux chansons sur la rupture. Versus Telegram de Gainsbourg en 81, extrait de son disque, de son album. À l'époque, c'était un disque, un 33 tours, un long jeu. Mauvaise nouvelle des étoiles. Et ben, l'autre, c'est désormais, extrait de cet album-là, de Charles Aznavour, désormais. Bon, si vous vous souvenez plus du tempo, du rythme, ça ressemble un peu à ça. Désormais, nous ne verrons plus ensemble. Non, c'est pas ça, monsieur. Désormais, on ne nous verra plus ensemble. Désormais, mon cœur vivra sous les décombres de ce monde qui nous ressemble et que le temps a dévasté. Désormais, ma voix ne dira plus je t'aime. Désormais, moi qui voulais être ton ombre, je serai l'ombre de moi-même. Ma main de ta main séparée. Jamais plus nous ne morderons au même fruit, ne dormirons au même lit, ne referons les mêmes gestes. Jamais plus ne connaîtrons la même peur de voir s'enfuir notre bonheur. Désormais. Hein? C'est le succès! Moi, je t'ai dit, m'en faire une tournée à Bordeaux. À Broadway. Pas à Bordeaux, ils me laisseront pas sortir à Bordeaux. Ah non, c'est la prison de Bordeaux, là. Mais, ah non, non, ça sera pas le succès à tout prix. Si je barre les portes, oui. Ici, je donne 50$ à tout le monde après avoir assisté à cette chanson, désormais. Peut-être que là, j'aurai, grâce au public là, pas très attentif, parce qu'en fait, ils viennent pas voir le Reynald Gagné chantant « Jean », mais là, ils s'en vont voir Charles Aznavour. Mais là, je suis comme un peu intimidé de leur dire, parce que, tu sais, c'est pas des gens qui ont une connaissance bien élaborée, là, tu sais. Ils sont là pour voir un spectacle, pour se divertir. Ils vont voir rarement, parce qu'il n'y a pas beaucoup grand. Non, il n'y a pas beaucoup. Non, des petits, des grands, des moyens, il n'y en a pas beaucoup qui se rendent là, dans les artistes. Parce que c'est loin, on ne trouve pas toujours la place, puis on se décourage avant la fin. On manque d'essence. On manque de... Oui, exactement, Mme Thibodeau. On manque de vouloir. Elle plaisait à tout le monde, et tout le monde la voulait. Dès qu'ils étaient en âge de faire ce qui leur plaît, les garçons lui faisaient ce qu'il fallait de coups pour qu'elle leur enseigne un rudiment d'amour. Chacun lui proposait dès la première leçon d'être son seul élève. Elle répondait non. Elle était de ces fleurs qu'on ne met pas en pot. Les garçons du pays l'appelaient Coquelicot. Au bord de la rivière, dès qu'elle se promenait, la pêche était ouverte et les bouchons dormaient, penchés sur les reflets qui valsaient dans l'eau claire. Les pêcheurs du pays la voyaient à l'envers. Des pêcheurs, il y en avait quatre pour un gardon. Mais à l'époque, au lieu d'y prêter attention, les poissons du pays se sont donné le mot pour s'en aller nager où nageait Coquelicot. Si les fraises des bois se montraient au grand jour, c'est qu'elles ne craignaient pas les garçons d'alentour qui s'en allaient aux fraises afin d'en revenir. Le panier vide et les mains pleines de souvenirs, avant que le matin réveille le sous-bois, les garçons l'appelaient à se fendre la voix. Le coq, au lieu de pousser son cocorico, avait pris l'habitude d'appeler Coquelicot. Elle allait à la messe le dimanche matin. C'est fou ce qu'il y avait alors de bons chrétiens. Quand elle se levait pour recevoir le bon Dieu, chacun baissait la tête et relevait les yeux. Le curé ne savait à quel saint se vouer. Seigneur, faut-il absoudre ou bien l'excommunier? Mais Dieu lui dit un soir, dans mon jardin là-haut, vois-tu ce qu'il me manque? Ce sont des coquelicots. Les pêcheurs ne vont plus au bord de la rivière, et le coq a repris son ancien cri de guerre. Un jour tant attendu que personne n'attendait, de tous ses amoureux, elle a choisi le vrai. Et les saisons reviennent avec monotonie. Les amoureux d'hier ont le cœur anobli, mais qui ne mettrait pas son cœur dans un sabot pour revivre un seul jour le temps des coquelicots, pour revivre un seul jour le temps des coquelicots. Donc, c'est pour ça que quand tu te rends là, on ferme les portes du village puis on dit « Tu restes là, tu vas faire ton spectacle. Vaille que vaille! » Oui, mais c'est parce que là, c'est pas venu tout seul, moi, là. Des musiciens qui m'accompagnent, c'est pas à Capella, moi, là, parce qu'à Capella, j'ai déjà de difficulté à avoir ce qui c'est avec mes musiciens. Imagine-toi, imagine-toi à Capella. Puis moi, tu sais, on a dit, là, si tu regardes mon programme, j'ai vu des affiches quand je suis rentré, là, j'étais un peu intimidé. Vous dites humoriste, chanteur, interprétation involontaire de sa part, et si succès, tant mieux. Je tiens à vous dire que où je vais, partout sur la planète, j'ai un grand succès lorsque je pars. Pendant que je suis là, les gens ont bien hâte que ça se termine. Là. Ah oui. Puis c'est moi qui ai ouvert beaucoup de... Exactement. Les gens ont vite compris que quand t'as pas de talent, mieux vaut barrer les portes. Tu es fait payer avant, là, ça c'est certain. Et après ça, tu te sauves avec la caisse. C'est très important de se sauver avec la caisse. Mais t'as déjà donné ton spectacle. Si ça dure 15 minutes, tant mieux. Si ça dure 5 minutes, tant mieux. Si ça dure 3 heures, tant pis. Parce que t'en as mouillé de la chemise là, pour te rendre à 3 heures. Surtout, moi, j'ai un matériel de 22 minutes et 35 secondes. Ça, c'est sans oublier les applaudissements, les gens qui se lèvent, pas pour partir parce que la porte est barrée, mais pour dire « Ah, bravo, l'artiste, tu t'es rendu chez nous. » Ben oui. Vous n'êtes pas arrivé là pour qu'on parte sans se faire connaître et puis surtout sans que vous vous divertissiez. Dit-il d'un air interrogatif. Qui s'interroge? Roger ou sa femme, Rogette? Imaginez-vous que Roger a marié Rogette. Avez-vous déjà entendu une femme se faire appeler Rogette? Il y en a trois sur la planète. Une, bien sûr, à Québec. Hein? Québec veut toujours avoir sa part d'originalité. Si tu te démarques pas, tu restes pas à Québec. Tu demeures à Montréal, Rimouski, Trois-Rivières, Matane, peu importe. Mais pour pouvoir avoir les yeux rivés sur soi, faut habiter à Québec. Bon, là, plusieurs artistes diront, « Ah, mais moi, je suis un acteur, actrice québécoise de Québec, de la ville de Québec. J'ai dû partir à Montréal parce que toutes les télévisions sont là, hein, toutes les grands théâtres. Hey, les grands théâtres, là. Non, on en a des théâtres ici à Québec. On en a des beaux. Le dernier en liste, c'est le Diamant. Il y a le Château Frontenac. Il y a le Grand Théâtre de Québec. Il y a l'Abordé. Il y a le Périscope. Premier acte. Il y en a des salles. Il y a le Champlain Capitole. Salle vidéo péton. Où il y a des spectacles où t'entends... Ouh! Hey, c'est un beau spectacle. Tes oreilles bourdonnent pendant 50 ans. Moi, je suis allé voir un spectacle de Marilyn Manson en 80, en 2000, à Tapeu, en 2009. Depuis ce temps-là, là, j'ai plus de tympans. Pourquoi t'as plus de tympans? Parce que me suis collé entre des deux acoustiques et le chanteur était pâti. Il était pâti. Bye-bye, pâti. Avec qui? Avec Patti Galant. Oh! Seigneur, je me sens si bien. Je vais vous demander une autre affaire. Je suis dans votre clé. Merci. Je veux chanter mon nom, mais je ne sais quoi vous dire, non. J'ai un ami qui a dit une phrase extraordinaire que j'adore. Ses chansons en général me plaisent énormément. C'est Fergus qui dit dans une de ses chansons « Le diable a acheté le paradis. » Y a-tu raison, mon ami Fergus? Il a-tu compris la société actuelle? À un moment donné, j'avais une émission de radio il n'y a pas si longtemps, il n'y a même pas un an, sur une station très, très éloignée. Et j'écrivais des courts textes. Et je veux juste vous en balancer quelques-uns qui... Parce que c'est devenu, dans mon cas, comme un tic nerveux. Même si l'émission n'existe plus, je continue à trouver des petites clés comme ça. Entre autres, soit c'est des créateurs qui me C'est eux qui me glissent à l'oreille dans le tympan. Madame, vous avez raison, le tympan. Tympan, tympan, tympan. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers et tout Rio qui se réveille. Mais n'est-ce pas Rio? Rio, Rio Grande, ça non plus. Y en a-tu des Rio dans le... Non, avant de m'étouffer, je tiens à dire qu'il y a beaucoup de Rio dans le monde. Il y a Rio de Sajanemenero, de Marilyn Monroe. Hein? Rio de Marilyn Monroe, avez-vous déjà vu? Oh, monsieur! C'est une zone assez blond. Sablon. Pas le chanteur Sablon, là. Porter Sablon, comment? Porter Sablon, ouais, moi, je porte le ridicule assez facilement. Et les gens qui me voient passer dans la rue, disent, hey, c'est surréaliste, cette affaire-là, c'est surréaliste. C'est même pas un être humain, c'est cette affaire-là. Je suis cette affaire-là, moi. Qui passe dans les rues, anonyme, à quatre pattes, en train de chercher mes yeux de contact, mes lentilles. Parce que j'ai eu cette idée, en fait, on m'a suggéré d'enlever mes lunettes. Parce qu'on me disait, ça fait tellement longtemps que tu portes des lunettes, toi, là. Ça fait combien d'années? Depuis l'âge de 4 ans. Quel âge as-tu? J'ai l'âge de mon cœur. 19 ans et demi, OK, mais sinon 19 ans et trois quarts, OK. Si on pousse, faut pas trop pousser, parce que je tiens à vous dire que je peux pas vieillir vite comme ça, moi, là. Hein, ça demande beaucoup de connaissances pour évoluer, des rites de passage. Avez-vous eu des rites de passage, Mme Thibodeau, vous? Avec vos trois maris, là, et cette femme-là, là, elle doit avoir un trophée ou... Non, une rue à son nom. Ou peut-être une école à son nom, tiens. C'est une sainte femme. Ses trois maris, bon, sont morts malheureusement. Bon. J'entends déjà certaines personnes dire « Ah, ben certains, elle les a tués! » On voit ça à la télévision. Ben, ouais, arrêtez d'écouter la télévision. Elle adorait ses trois maris. Mais, ce qu'il faut savoir, et c'est ce qui va se dire ce soir, pour la rendre très humaniste, qu'est-ce que tu voulais dire autrement? Oh non, mais c'est un verbe que je voulais conjuguer, mais c'était pas un verbe du premier ou du deuxième groupe. Hein? Le plus difficile, c'est le troisième groupe parce qu'il se conjugue pas comme les autres. Mais enfin, bref, c'est pas trop important. Il faut lécher l'enveloppe comme elle le mérite, c'est-à-dire avec la langue. Mais je sais pas pourquoi je viens de dire ça. Oui, je le sais, mais je vous le dirai pas. Et puis, donc, qu'est-ce qu'elle voulait dire, elle? Mais... Ah oui, cette femme-là, oui. C'est parce que, ce que vous savez pas, elle a marié les trois frères. Mais un après l'autre, là. Ben oui, c'était des triplets. Mais ils venaient pas de Belleville parce que c'était des gars, là. Quoique, il y a peut-être des triplets de Belleville masculin singulier. Là, vous allez me dire, c'est pas singulier. Trois, c'est pluriel, moi. Mais chacun est singulier. Bon, on me suit-tu, madame? Avez-vous besoin de la loupe de Sherlock Holmes? Ouais. Elle est en vente aux enchères, hein? Elle est pas si chère que ça. Parce qu'ils en ont fait des quantités. Ouais, mais l'original n'est plus disponible. Parce qu'ils ont eu l'idée d'ouvrir... Mais ça, faut-il être imbécile? D'ouvrir la loupe pour, après ça, écarter les lentilles et prendre la force des lentilles et en refaire d'autres. Mais là, ne jamais inventer ou refaire des créations un lundi. Je vous le dis depuis longtemps, la semaine dernière aussi, tout se passe, tous les cataclysmes se passent le lundi. Donc, le pauvre jeune homme, c'est un étudiant en technique à l'université. On lui avait donné, et ça c'est vrai, la loupe de Sherlock Holmes. Donc, il dévisse le pylône, la tige, pour ensuite ouvrir tout ça puis prendre les deux lentilles, parce qu'il y en a deux sur sa loupe-là, sur cette loupe de Sherlock Holmes. Et en voulant en les remettre, et voilà, vous le savez, c'est tombé par terre. Ils ont cassé les lentilles de la loupe de Sherlock Holmes. Et là, tout le monde était... Hein, c'était la panique générale. Là, il y en a un insignifiant qui a voulu descendre sa main avant le temps. Mais là, les lentilles, elles, ont tombé plus vite que la main. Là, tout ça s'est produit au ralenti, monsieur le colonel. Et nous voulions pas briser cette œuvre qui allait à se... Oui, elle allait au musée de Londres. Maintenant, elle ira au musée de l'ombre. Dans la prison de Londres, dum dum dum dum dum dum là, dans la prison de Londres, il y avait un prisonnier, il y avait un prisonnier. Personne venait le voir, dim dum dum dum dum dum dum là, personne venait le voir. Qui l'a fait du geôlier, qui l'a fait du geôlier. Dites-moi dans le bel, dim dum dum dum dum dum dum là, dites-le dans le bel. Demain si je mourrai, demain si je mourrai. Puisque je me dis main, dim dum dum dum dum là, puisque je me dis main. Lâchez-moi dans la pierre, lâchez-moi dans la pierre. Go on, do you love your lash? Dum diddle dum dum dum dum diddle la. On, do you love your lash? À la mer s'est jeté, à la mer s'est jeté. À la première plonge, dum dum diddle dum dum dum diddle la. À la première plonge, il a marqué snoyé, il a marqué snoyé. À la douzième plonge, dum dum diddle dum dum dum diddle la. À la douzième plonge, à la mer traversée. La mer traversée, quand il fait sur le côté, dum dum dum dum dum dum là, quand il fait sur le côté, la mise à chanter, il s'amuse à chanter. Si je me je retourne, dum dum dum dum dum là, si je me je retourne, oui je les pousserai, oui je les pousserai. Tout le monde la veut, la révolution, tout le monde. Pas les conformistes. Ah, mais moi, écoute, je suis bien content là, devant ma télé couleur, mes programmes, mes émissions. Fini de travailler, moi, pas facile là, mon travail, moi, là. Moi, je réponds aux plaintes dans un magasin à grande surface. Si tu viens t'acheter une télé chez nous et elle fonctionne pas, celui que tu rencontres, c'est moi. Là, quand t'arrives, là, t'es en beau fusil, tu l'as payé cher, ta télévision. Puis moi, je suis ton ennemi numéro un, mais je te connais même pas. Faut que tu comprennes ça, toi, là. Je te connais pas. On m'a embauché pour représenter l'entreprise qui s'en balance éperdument, qui se fout à 100% de ce que tu peux. Pense à ce que tu crois puis à ce que tu veux comme satisfaction. Il s'en balance. Ce qu'ils ont voulu au départ, c'est avoir ton argent. Après, c'est moi qui m'organise avec ça. Faut pas que mon employeur revienne contre moi. Faut pas que, quand je sortirai de cette entreprise-là, tu prennes un fusil puis que tu me tires. Il faut donc que je sois, et ça, chez moi, j'ai fait construire ça dans un néon extraordinaire, extraordinaire et merveilleux, et ça dit résilience. Résilience. Et là, depuis que je travaille là, eh ben, j'ai des séances de yoga avec Yuan Yang Mingguin, le grand Yuan Yang Mingguin. Connaissez-vous Yuan Yang Mingguin? Yuan Yang Mingguin? Mingguin. Mingguin. Mingguin. Mingguin. Pas la Gwyn, là. Ça, c'est sa belle-sœur. Elle est très brillante, elle. Elle a fait un certificat dans la prononciation du diapason singulier dans l'organisme ultra-utérin de la femme qui accouchera dans 3 semaines et demie. C'est assez précis, ça! Elle est la seule à avoir étudié là-dessus. 3 ans et demi d'études pour toucher 0.000001 de la population. Mais ça, c'est pas important. Moi, là, quand tu viens me voir, exemple, tu t'as acheté une caméscope. On va dire une caméscope. HD. Elle fonctionne pas. Fait que moi, j'ai des questions à te poser. Avez-vous lu le manuel? C'est important, ça. On le dit tout le temps quand tu t'achètes quelque chose. Hein? C'est noir sur blanc. Puis là, on va placer des néons là-dessus encore. On est fort sur les néons. On est très fort sur les néons. On veut que vous lisiez l'appareil, hein, le manuel de l'appareil, avant même de l'ouvrir puis de dire, « Ah, oh, je connais ça, c'est pas compliqué. Tu prends ça, là, tu mets ça dans le mur, tu mets ça dans ton ordi, tu mets la pile, puis là, ça part. » Pas tout le temps comme ça. Ça demande une programmation. Puis là, je commence à en avoir ras-le-bol parce que si vous connaissez pas, si vous pouvez pas lire un manuel, achetez-vous pas d'articles. Bon, moi, je dois décortiquer avec vous le problème. Puis vous, le problème, vous avez pas les mots pour l'exprimer. Vous dites, ben là, je l'ai acheté, moi, là, puis fonctionne pas. OK. Quand vous dites ça fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Ben, y a rien. Il n'y a rien. Ben, il n'y a rien. Non, mais qu'est-ce que vous faites pour qu'il se passe rien? Ben, rien. OK. Alors, vous avez acheté notre caméscope. Oui. Puis ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, là, il a branché les fils, il a mis la carte, et puis après ça, ben, il a fait fonctionner, il a mis le recordeur. C'est écrit en anglais. Moi, recordeur, je ne connais pas ça, recordeur. Recorder de Bimber, ça c'est la chanson de Pagliaro, là, dans les années 92, là. Il n'a pas jamais fait ça, cette chanson-là, Pagliaro. Il n'a jamais fait ça, lui. Il a-tu existé, au moins, ce gars-là? Pagliaro, chanteur, Michel Pagliaro. J'entends siphonner, là, tu sais, après ça va ça. J'entends siphonner, j'ai bien compliqué, il y aurait de la chose à entendre. Non, c'est pas lui, ça. Ah, c'est j'entends frapper. Bon. Non, mais vous... Oui. D'accord, je suis dépassé. Moi, à la naissance, j'étais très dépassé, moi. Ah oui, ben oui. Je suis resté 10 mois dans le ventre de moi. 10 mois. Mais il n'y avait pas de manuel, là, comment sortir. C'est pour ça que je me suis intéressé, moi, à tout ce qui était électronique, puis même autre. Hein. Il y a des gens qui viennent chez moi, dans notre entreprise, puis qui veulent se faire échanger une robe de mariée. Puis c'est l'homme qui arrive avec ça. Tu te poses des questions. Votre épouse est-elle avec vous? Pouvons-nous la rencontrer? Devons-nous appeler la police? Les agents secrets? Qu'avez-vous fait avec votre épouse? L'avez-vous coupé en cube et puis vous avez placé ça dans vos nouilles chinoises puis vous vendez ça à 3,99 la livre? Êtes-vous ce genre de personnage-là, vous, là? Non, mon épouse, elle pouvait pas embarquer là-dedans. Comment ça, elle pouvait pas embarquer? C'est pas une voiture, c'est pas une montgolfière. C'est une robe de mariage. Elle avait pu se marier. Ben là, elle a eu peur. Comment ça? Elle vous a vu tout nu? Tout nu? Nu? c'est une blague, c'est une blague. Prenez pas les... Non, non! Oh, voyons donc! Faut rire, là! Non, on peut pas rire! Oh! Alors, vous êtes... Non, avec vous, là, moi, je me dis... Quand je vous ai vu arriver, je dis, hey, c'est une vedette d'Hollywood! Qui a pas fonctionné, là, mais... qui a pas fonctionné! C'est une blague! Qui a pas fonctionné, tu sais, qui... Ouais, tu vois, Hollywood, tu t'imagines d'être... Trouvé, hein, être présenté par les plus grands réalisateurs, mais t'es un numéro 53, 92, 17, pas de complémentaire. T'sais, t'es un moins que rien, là. Non, c'est pas vous, ça, là. Non. Mais, je pense que ma journée... Oui, non, mais je tiens à vous dire, j'ai pas réussi ma Jello, hein. Quand tu réussis pas ta Jello, tu dis, hey, monsieur, la journée sera pas facile. La semaine encore pire. Là, tu souhaites le lendemain de réussir ton café. Mais il n'y a pas de lait. Il n'y a pas de crème. Il n'y a pas de sucre. Il n'y a rien. Oh mon Dieu. Ma vie est une épave et j'en suis le résultat. Pour bien commencer ma petite journée et me réveiller, moi j'ai pris un café. Un arabica noir et bien corsé. J'enfile ma parka, ça y est, je peux y aller. Où est-ce que tu vas? Me crie mon aimé. Prenons un kawa, je viens de m'élever. Et tant en avance, et un peu forcé, je change de sens et je reprends un café. À 8h moins le quart, faut bien l'avouer, les bureaux sont vides, on pourrait s'ennuyer. Mais je reste calme, je sais m'adapter. Le temps qu'ils arrivent, j'ai le temps pour un café. La journée s'emballe, tout le monde peut bosser, au moins jusqu'à l'heure de la pause café. Ma secrétaire entre, fort comme vous l'aimez. Ah mince, je viens d'en prendre un, enfin bon maintenant qu'il est fait. Un repas d'affaires, tout près du sentier. Il fait un temps super, mais je me sens stressé. Mes collègues se marrent. Détends-toi René, prends un bon cigare et un petit café. Une fois fini, mes collègues crevés appellent un taxi. Oh mais moi j'ai envie de sauter. Oh je fais tout Paris, oh et puis je vois un troquet. Oh je commande un déca, mais un café inné. Bureau, ma secrétaire me fait. Vous êtes un peu en retard, je me suis inquiété. Je la jette par la fenêtre, elle l'avait bien cherché. De toute façon, il faut que je rentre, mais avant, un café. Attends dans le métro, je me fais agresser. Une petite vieille me dit, vous avez l'air, s'il vous plaît. Je lui casse la tête et je la pousse sur le quai. Je file à la maison, puis je me sers. Devinez, papa, mon papa, en classe, je suis premier. Putain, mais quoi? Tu es en train de me faire chier. Oh, mais qu'il est con, ce gosse. Et en plus, il se met à chialer. La fleur se récolte en hiver et se réchauffe en été. C'est un de mes textes. Aujourd'hui, le lundi 6 avril 2020, l'errance. Les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. C'est bon, toi, quand t'as écrit. Peux-tu le reggae, c'est avec ça ce télégramme de Gainsbourg. J'aimerais que ce télégramme soit le plus beau télégramme de tous les télégrammes. Oh, c'est pas du reggae, ça! Non, OK. Tu veux que je te redise mon texte sur la fleur? Ben, s'il te plaît! C'est pas la chanson de Brassens, là. Une jolie fleur dans une peau de vache. Une jolie vache déguisée en fleur. Moi, c'est tout simplement, la fleur se récolte en hiver et se réchauffe en été. C'est bon! C'est bon! C'est bon! Merci. Alors, aujourd'hui, le lundi 6 avril, on va y arriver, faites-vous-en pas. L'errance, les errances rénaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes. Les problèmes liés au boulot et au ciboulot, j'allais m'étouffer, mais ça n'a pas paru. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école, bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans un enchantement narratif, unissons-nous pour la deuxième émission avec mon ami que j'adore toujours rencontrer, puisque c'est mon alter ego, Marido Fréval. Marido, qui est-elle? Eh bien, c'est ce que vous allez entendre dans la deuxième partie. Comme je dis souvent, la suite de la fuite. Vas-y l'artiste, à toi. Et tout ça, ce sera entrecoupé de musique qui colle bien à son univers, selon moi. C'est toujours de l'interprétation. C'est de l'interprétation à 100%. La vie est une interprétation. Il ne faut pas se leurrer. Et vous allez entendre des belles discussions, des belles ouvertures d'idéologie. En un mot, vous allez avoir un plaisir fou comme moi je l'ai eu à la rencontrer. Marido Fréval, à toi l'artiste. They told me that you didn't love me. And all these things I know, I just know they ain't true. Yes, and they told me I should find somebody new. Somebody who make better love, much better love than you. I wanna tell y'all, I don't care what the people say, but I don't know I wanna hurt me any whole way. How oh, I know way. They told me to stay out at night. Somebody said, Betty, that man ain't gonna treat you right. Même voix, quoi, aussi. Mm-hmm. Tu vois, c'est pas je donne le micro ou pas, d'ailleurs, toi. Ouais. Toi, c'est quoi cette décision qui se déjà, fait... on est déjà dans une forme de puissance dont il faut comprendre pourquoi on exerce, toi, ça. L'enjeu, oui. L'enjeu. Mais c'est pas pour usurper non plus et prendre la parole à la place des autres. Non. Hein, c'est encore différent, tu vois. C'est, je prends la parole, certes, j'assume ça, mais je ne prends pas la parole de l'autre, tu vois. Je ne lui... qui n'a pas sa parole. Est-ce que dans, dans les trois pièces, c'est, on peut, est-ce qu'on peut appeler ça des tombes ou des une continuité avec l'autre pièce ou si... Moi, j'ai l'impression que c'est un chemin, si tu veux. C'est un chemin d'écriture qui s'est fait avec les trois spectacles. Avec le troisième, tu t'inspirais du deuxième, de la réaction du deuxième pour faire le troisième et vice-versa. Avec le premier, tu t'inspirais de ce que tu as fait dans la rue, puis en sachant que ça fonctionnait d'une certaine façon, tu voulais le replacer dans le deuxième? Ou si, non, je pense que c'est avant tout le sujet que j'aborde, tu vois. Je me dis, la virilité, forcément, elle était sous-jacente dans les deux autres. Mais là, je me dis, il faut que je m'attaque au sujet. Et ce qu'on retrouve un peu, si tu veux, et ça s'est pas fait de façon très consciente, ça aussi, c'est un peu le problème. C'est le rapport à l'uniforme, d'une façon ou d'une autre. Ouais, ouais, ouais. Puisque je démarre avec De La Gaulle sur Tentative de résistance, je démarre sur Rosa Luxembourg, mais que j'habille en homme, et qui met un calot comme une guerrière, donc pas du tout Rosa Luxembourg, qui était avec son petit manteau, qui trottinait comme ça, tu vois, un petit peu coincé. Pas du tout, j'en fais quelqu'un d'autre, une combattante, et là, c'est la position du vigile, à nouveau un uniforme. Ouais, mais c'est ça, pourquoi ton vigile a une moustache? Pourquoi t'as fait que toi t'avais une moustache? Toujours, j'ai toujours une moustache. Pourquoi? C'est le symbole de l'homme. Oui, oui, c'est la symbolique de l'homme. Mm. Autant que le phallus peut être la symbolique de l'homme. Exact. C'est signé comme ça. Ben, je vais t'expliquer. L'année dernière, j'ai enlevé ma moustache. Je l'ai eu pendant 50 ans. Ben, peut-être pas à 11 ans, mais en tout cas, je me suis jamais rasé la moustache, OK? C'est vrai, c'est marrant. Et j'allais, ben, attends, c'est énorme. Et j'allais à Pigalle. Régulièrement, tu sais, je viens ici depuis à peu près 15 ans. Et je me suis fait, les putes m'emmerdaient pas. Et là, je me suis rasé la moustache et là, je deviens hétéro à leurs yeux. Et là, je me fais emmerder. C'est vrai. Moustache c'est drôle, et pas moustache. Ah, oui, la moustache fait l'homosexualité. Et sans moustache, ça fait l'hétérosexualité. C'est fou, hein? C'est drôle. Mais c'est très, très, tu sais, des signes. C'est intéressant. Oui, c'est intéressant. Et si tu veux. Je vais revenir à ta moustache. Oui. Ben, que tu n'as pas actuellement, on est à la radio. T'as pas de moustache. Mais pourquoi la moustache, c'est encore là, comme on disait, c'est la symbolique ou si c'est le stéréotype du flic avec la moustache, comme on a tout le temps? Non, c'est pas le stéréotype parce que, si tu veux, j'ai sorti la moustache sur des figures qui n'étaient pas des figures masculines. Tu sais, à la fois, je porte la moustache pour des figures masculines ou féminines. Oui. Donc, bon. Donc, quand je l'ai expérimenté en faisant toutes mes tentatives la première fois, j'ai mis la moustache pour... Voir la réaction? Je sais pas quoi. C'était comme ça, ça me plaisait bien. Après, si tu veux, il y a quelque chose de ce que je porte dans mon histoire qui est de l'ordre du masculin, du féminin. Moi, Marido. Hein. Là, dernièrement, il y a une copine qui fait des articles dans une revue pour les enfants, là. Okay. Sur le nez. Je sais pas quoi. Alors comme moi. Elle a une revue sur le nez. Non, c'est un article. Okay, un numéro spécial sur le nez. Bon, on pourrait faire sur la moustache. Aussi. Ah, c'est un thème. Okay, donc, du coup, je sais pas quoi. Elle voulait faire donc des photos, toi, moi et mon fils, qui a à peu près le même nez que moi, et je sais pas quoi. Et là, le photographe vient, et là, il y a la photo de mon père à moi, qui est décédé quand j'étais petite fille, et qui est sur le, dans la bibliothèque. Tu vois. Ouais. Et là, tout d'un coup, parce qu'il dit, vous n'avez pas une photo d'ancêtre ou je sais pas quoi. Bon, je dis, attends, il faut que je cherche. Puis j'ai beaucoup oublié qu'il y avait ça là-haut. Toi. Et là, tout d'un coup, et je me suis dit, OK. Et donc, mon fils, en ce moment, a exactement le même book que son grand-père, mais qui est décédé, si tu veux, qu'il n'a pas connu. Ouais. Et là, tout d'un coup, je vois mon fils regarde son grand-père comme ça, et tu vois. Et je me dis, OK, moi aussi, je me suis construite en regardant cette photo. Est-ce que tu comprends? Parce que je l'ai perdu, mon père, petite fille, je n'avais que cette photo. C'est l'effet miroir, là, de... Et cette espèce de photo en noir et blanc, si tu veux, elle m'a imprégné. Je ne sais pas de quoi. Je ne sais pas savoir. Moi, je n'ai pas fait de psychanalyse. Je ne m'intéresse pas tellement à mon histoire, à moi, comme étant intéressante. Je suis intéressante en soi, je suis vivante, j'étais portée par plein de choses. Et ce qui ressort. D'un coup, tu écris au plus proche de quelque chose, d'un coup, tu abordes des trucs, tu ne sais pas bien. Mais très certainement, si tu veux, donc il avait ce book et une figure, effectivement, qui me permet, moi, d'aborder ma figure masculine, si tu veux. Masculine, enfin, avec les représentations masculines. Mmh. C'est comme si, du coup, j'étais moi aussi peut-être détentrice de cette identité qui me traverse. Peut-être, toi, si là, il faut être un peu... Mais tout d'un coup, ça m'est apparu là, je crois que c'est la semaine dernière qu'il est venu là. Ok, c'est tout chaud là. Oui, tout chaud. Pour l'histoire de du nez là. Bon, je me dis, ok, parler du nez, remonte-toi 5 minutes. Il dit, ok, d'accord, donc il y a quand même quelque chose qui me traverse. Et en plus, il y a une chose que moi j'ai toujours dite par rapport au métier de comédien, c'était que c'est pas mon visage qui était intéressant, c'était ce qui apparaissait par derrière. Tu sais, on dit qu'on a un double... On doit laisser voir le visage. C'est pas mes traits à moi, Marido, qui sont intéressants. C'est que tout d'un coup, une figure sorte de moi. Poum, comme un... Mais... L'incarnation. Voilà. Tu vois, quelque chose tout qui apparaît sur mon visage, certes, mais qui n'est pas forcément exactement mes traits. C'est pour ça qu'on peut être un bébé comme on peut être une vieille personne, sans problème. Donc j'ai cette idée de faire apparaître des choses. Et je pense que voilà, il y a, entre autres aussi, c'est un jeu pour faire apparaître encore le champ de façon plus large. Est-ce que tu comprends, hein? Je déjoue ma féminité, parce que moi j'ai un corps assez féminin, etc. Donc j'ai besoin de faire apparaître aussi, toi, des figures masculines dont je suis porteuse, probablement. Tu parlais de photos que tu regardais de ton... c'est ton père. Ouais, mon père. As-tu lu le livre Edgar Morin, L'homme imaginaire, qui parle de photos, 1942? Ah oui. Parce que j'ai étudié en cinéma et je me suis procuré ce livre-là parce que je l'ai vu en bibliothèque et je voulais l'avoir parce que moi, je graffouille dans mes livres, hein, puis la bibliothèque, ben, c'est pas très bien vu. Hein. Mais à l'époque, j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais photocopié certains passages, mais là, à un moment donné, j'ai eu plus d'argent. Donc, je me suis acheté le livre et je l'ai encore. Edgar Morin. Et puis, il parle pendant 300 pages de la photo, ce que représente la photo. Et on aborde aussi le cinéma. Et toi aussi, il y a 4 ans, on a abordé le cinéma. Où en es-tu, c'est mon lien, où en es-tu avec ça? Tu veux dire, moi, mon rapport au cinéma? Oui, mais tu voulais en faire à un moment donné, oui, avec des caméras, des... Voilà, je fais des films, avec les habitants. Tu vois, je fais des huis clos. Je fais des huis clos avec les habitants. Un peu comme Depardon? Hein? Raymond Depardon? Je sais pas, non, c'est... Ah, tu veux Depardon? Ben, tu connais Depardon. Je connais bien. Okay. Sinon, c'est des fictions, c'est okay. Tu sais, j'ai besoin d'imaginaire, moi. Tu vois, le contrat est imaginaire. Et donc je réunis toujours 11 habitants et moi autour d'une table, donc 12 personnes, bon, toi c'est très ritualisé. Et c'est un huis clos, donc à chaque fois c'est un décor différent. Et c'est le temps d'un repas. Ces 12 personnes sont réunies pour des raisons diverses. Donc j'ai fait plein de petits films comme ça. Des petits films de combien de... Au montage, c'est pas le même format à chaque fois, parce que c'est pas les mêmes personnes qui filment. Ça reste assez artisanal, hein, ce truc-là, tu vois. Mais ce qui m'intéresse, c'est le huis clos, effectivement. Tu vois, ouais. Voilà. C'est ce qui peut surgir de cette fiction-là. Voilà. Et avec des personnes... Mais il n'y a rien d'écrit, hein, il n'y a rien d'écrit. Oui, exactement. Okay. Moi, je lance des pistes avant, je rencontre chacun, je rencontre... C'est des gens souvent assez fragiles avec qui je travaille, tu vois, des gens pas du tout habitués... Qui sont pas dans l'art dramatique. Du tout. Et donc chacun va cheminer, certains en ont fait plusieurs quand même, d'autres non, c'est une fois et puis ça sera une fois. Hey. Errance rénaldienne sur CKRL MF, le 89.1 à Québec, avec Rénald Gagnon. Qui était cinéaste, faisait la même chose. Il fallait des noms professionnels. Il allait à l'île aux Coudes, qui est au Québec, à l'île aux Coudes, parce qu'il voulait recréer la. À l'époque, on prenait le marsouin, qui est un genre de grosse baleine, et on l'amenait à la rive pour après ça l'ouvrir et l'utiliser pour la nourriture et tout ça. Et il voulait recréer cet événement-là. Qu'eux avaient arrêté en 1960. Donc, ils avaient demandé à ceux qui l'avaient fait à l'époque, donc ils avaient peut-être 60-70 ans, de recréer cet événement-là. Et il en a fait 3 films avec des noms professionnels. Et après, avec le protagoniste principal, qui n'est pas un acteur, ils sont venus ici en Normandie pour retourner à ses racines. Toujours non professionnel, hein, c'est des gens. Et puis là, ils rencontrent les gens de ce coin-là, en Normandie, et lui filme la discussion, puis l'accent québécois et l'accent de la Normandie, c'est presque similaire. Ah, les expressions sont semblables ou presque. Écoute, il a remporté un prix à Cannes qui s'appelle Pour la suite du monde. Ah, tu m'enverras le lien. Oui, pour la suite. Ah, oui, mais les films sont... Ah ouais. Tu vas te c'est régaler. Énorme. Tu vas te... Ah, c'est énorme, effectivement. Alors, ça me fait penser à ça, toi, ton huis clos. Eh oui, c'est ça, oui. Il aussi avait une discussion avant, là, pour... Eh oui, c'est mais, ça. Mais c'était pas une mise en scène, là. Oui, oui. Alors, lui, il disait à quel... Où Pierre Perrault, ou moi, Pierre Perrault, je veux amener le projet. Alors, il y avait une discussion avec les protagonistes. Et au début, ben là, ils ont refusé. Puis bon, là, Pierre Perrault a demandé au fils du, du monsieur de discuter pour qu'il soit plus favorable, parce qu'il avait à peu près le même âge, Jean-Pierre Perrault et son fils. Et puis, ben, au bout du compte, après deux, trois bières, ben, il a dit oui. Donc, il s'est retrouvé avec une équipe, Pierre Perrault, de trois, quatre personnes à filmer la pêche au marsouin, la reconstitution de la pêche au marsouin. C'est une petite baleine blanche, là. Ouais, tu connais le marsouin? Non, pas enfin, de nom. OK, ouais. Mais très gentil, très gentil. Mais il y en a de plus en plus parce qu'ils ont arrêté de faire ouais, de, je sais, de la pêche. Donc, c'est ça. Tu crées la discussion avec des habitants. Est-ce que tu choisis l'endroit où tu... Ben, à chaque fois, il faut que je puisse refaire un décor à l'intérieur, tu vois, pour que ce soit un peu en dehors du temps, qu'on sache pas bien où on est, tu vois. Ça, c'est important, que ce soit un peu un no man's land. Donc voilà, alors après, j'essaye de trouver des lieux de proximité, parce que c'est des personnes un peu âgées, je peux pas... C'est tout un bins pour les transporter, etc. Puis certains... Tu vois, donc je vais dans des lieux de vie, tu sais, je regarde où est-ce que je peux faire le film, etc., pour arriver à... Tu repères avant, voilà. Tu fais du repérage. Oui, je fais des repérages. Et le dernier film que tu as fait, il y a combien de temps? Parce que là, avec tous tes projets, ça doit ben, faire quand même un bon... Non, je l'ai fait en juin. Il est au montage, là? Là, il est au montage, oui. Est-ce que tu es fier de ce film-là? Oui, ça va. Ça okay. va, je suis content. Est-ce que je vais pouvoir savoir à quel moment le visionner sur Internet? Oui. OK. Je t'enverrai. Parfait. Non, mais je vois ton visage qui sourit. C'est quoi? C'est encore l'excitation du projet? Non, c'est... Non, mais tu peux le voir, oui, c'est intéressant. C'est intéressant. Tu veux, je pense que je fais mes armes, tu vois, un peu en faisant ça. Sur un rapport qui m'intéresse, qui est qu'on ne sait pas bien, tu vois, comment à chaque fois se font les rencontres, etc. Et que c'est ça qu'il faut arriver à mettre en place, tu vois. Mais quand cette même, magie-là, comme ça. Oui, ouais. Mais quand même, on va juste revenir à nous. Juste le fait de se rencontrer, nous, il y a 4 ans et aujourd'hui, ouais. C'est quand même surréaliste. Un Québécois qui rencontre Marie. Hein? Marie-Jo, ça c'est non, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais oui, c'est intéressant. Oui. Et qu'est-ce qui a fait que moi j'ai focusé sur toi? Ben, c'est le côté peut-être anarchiste et, oui, c'est ça, et entre guillemets révolutionnaire. Mais ton travail a toujours été dans ce sens-là. Oui, tu n'as jamais bifurqué vers la facilité, vers le... Je crois pas, non. Mais en même temps, les pièces de théâtre que tu fais sont devenues, sans le vouloir, de plus en plus commerciales, dans le sens que ça touche beaucoup plus de personnes. Voilà. Et il ne faut pas trouver dans le mot commercial quelque chose de sale. Non. C'est que hein, ça communique, ça suscite l'intérêt. Et est-ce que tu crées encore en dehors de ton travail, une fois qu'on t'a vu, ben ça amène la discussion. Imagine les parents, quand tu as présenté les phallus à la maison, l'enfant qui demande à son père ou à sa mère, « C'était quoi ça, maman? Pourquoi? » Alors là, c'est l'éducation qui rentre en ligne de compte. Voilà. Est-ce qu'on va édulcorer le sujet ou on va le raconter véritablement sans galvauder le propos? Parce que ce qui est très important, il faut le savoir, sur les chansons paillardes, c'est que c'est au départ des chansons enfantines. C'est, tu vois, Cadet Roussel à Trois Maisons qui est réécrit. Et donc, quand un enfant chante Cadet Roussel, il chante déjà de la chanson paillarde sans le savoir. Est-ce que tu comprends? Et il y a beaucoup de chansons, en plus, qui font appel à des jeux de langage. Tu vois, il court, le furet, tu vois, c'est il four, le curé. C'est tout. La langue est très liée au contrepétri, tout ça. C'est le même foyer. Tu vois, de notre langue et de nos berceuses presque, tu vois. Et donc, quand tu sais que c'est ce foyer-là qui nous construit, il faut s'en occuper. Sans ça, c'est comme ça qu'après ressurgissent parfois des choses. On se dit, oh, c'est bizarre l'humanité, papa, ils font des trucs bizarres. Non. D'où ça vient tout ça? D'où ça vient? Ah voilà. L'origine de et la chaîne. C'est ça le, tu vois, le foyer premier. Et après, c'est à nous de nous en occuper. Écoute, j'ai 10 questions de la fin, tu le sais, je sais pas, hein? Avec les années, on oublie peut-être, j'ai 10 questions de la fin. Et il y en a 3, parce que j'ai réécouté notre discussion, ah oui. Je suis sûr qu'il y en a 3 qui vont revenir, on va voir. Si tu étais un liquide, et je te dirais à quel moment. Si j'étais un liquide? Oui. Du vin. Ah, tu as changé. Il y a 4 ans, c'était la vodka. Oui. Ah! Oui, ça aurait pu être la vodka. Parce que je distribue, là, à Paillard, je distribue la vodka. OK. Mais là, pourquoi le vin aujourd'hui? Bah, je sais pas, peut-être que j'avais peur de dire vodka. Non, non, je blague. Non, c'est que le vin, je bois beaucoup de vin en ce moment. Vin rouge? Oui, du vin rouge. Hey, j'en fais du vin, moi. J'ai un peu arrêté la bière, Parce que la petite patate de bière... Oui, c'est ça, la bière, l'été, tu vois, c'est sans fin, la bière. C'est trop bien, la bière. Oui, oui. Et donc, j'ai décidé c'est, que... Oui, c'est trop le... bien, c'est trop bien. Donc, si je... C'est pas c'est mauvais, c'est trop bien. Donc, si tu veux, du coup, je me dis, le vin rouge, j'en bois moins. Du bon ou... Après, en festival, je bois ce que je peux, tu vois. Je peux pas me transporter avec ma bonne bouteille de vin, tu vois. Non, mais tu vois ce qu'on t'offre. Des fois, c'est curieux. Mais... C'est ça, donc c'est pas forcément du bon vin. Mais j'aime... Voilà. En ce moment, je bois du vin, donc c'est ça qui ressort. Quel sort? Rouge. Mais de quelle région? N'importe quelle région? Écoute, ben, je suis pas une fan de Bourgogne. Moi, j'aime bien plutôt le Bordelais ou les... Côte-du-Rhône? Côte-du-Rhône et le Sud-Ouest aussi, j'aime bien, voilà. Je suis pas... Si tu étais une ville. Une ville? Je prends ma ville de naissance, Le Havre. Maintenant, je me suis beaucoup réconcilié avec ma ville de naissance. Qu'est-ce qui s'est passé pour. Tu t'es brouillé? Bah, avant, c'était une ville familiale. Et maintenant, c'est devenue une ville d'imaginaire. Donc, ah, ben, explique, là. C'est intéressant, là. C'est intéressant, là. On touche à quelque chose. Parce que. D'abord, parce que j'ai travaillé aussi avec la ville. Moi, tu vois, je sais ce que c'est qu'une ville aussi, ce que ça veut dire circuler, ce que ça veut dire marcher dans une ville, regarder le ciel, le bruit, tout ça. Et du coup, je la trouve très étonnante et très intéressante, et je pense qu'elle me correspond, voilà. Parce qu'il y a des grands axes, elle a été reconstruite, donc il y a une violence derrière cette ville qui m'appartient aussi. Elle a pu être en colère, tu vois, cette ville, et il a fallu qu'elle se reconstruise. C'est la ville des grands paquebots, et ça a été arrêté, une ville industrielle, une ville ouvrière, avec beaucoup de combats. Je pense que c'est vraiment ma ville. Elle a bien vieilli. Elle a bien vieilli. Mais au début, c'était pas ça pour toi, à tes yeux. Non, je pense pas. Peut-être aussi, c'est le cheminement qui te fait apprécier davantage cet endroit. Ouais. Si tu étais une langue... Une langue? C'était ça la question? Ah oui. Langue dans tout son. Dans tout son imaginaire. J'ai 10 000 images qui viennent en même temps, moi, c'est le cerveau trop éclaté. Si je suis un peu mégalo, je dirais ma langue. Ok. Et... Alors on va garder. Non, on va garder ta langue. Si tu étais une époque. Oh, aujourd'hui, demain. Si tu veux, je reste dans mon vivant. We'll be right back. Last night your eyes were glowing when I took you home. And I won't hold you if you don't love me no more. I'll just stand there and stare when you walk out the door. So you left me, pretty baby. You just walked right out of that door. So you left me, pretty baby. You just walked right out of that door. Hey baby, where are you going? I thought we were in love. Last night your eyes were glowing when I took you home. So you left me, pretty baby. You just walked right out of that door. So you left me, pretty baby. You just walked right out of that door. Là qui t'anime, ouais, qui te fait créer. Je pourrais rêver de plein d'autres périodes, ouais. Tu vois, mais c'est celle-là aussi qui te fait créer, voilà, qui t'amène. Exact. Ouais, mais tu la remets en question aussi, tu l'acceptes pas. C'est pas parce que tu dis c'est nous sommes ici maintenant que l'on doit rentrer dans le confort tout, et l'indifférence. Mais j'ai les deux pieds dedans. Ouais. Alors c'est pour ça que tu peux voir ce qui se passe, les anomalies, et en parler, en cracher sur des... l'utiliser pour ton travail. Oui, exactement. Mais voilà, c'est ça. C'est les deux pieds dedans. Ouais. Si tu étais une époque... J'ai oublié tout ça, l'époque. Une époque? Je sais pas ce que c'est qu'une époque. Ah, mais tu m'as dit ici maintenant. Hein? Oui. Tu m'as dit ici maintenant, ça, excuse-moi. Oui. Ok, oui. Si tu étais un aliment. Un aliment? La viande. Ok, alors toi, t'es pas végé? Bah, je suis pas. Non, je suis pas végétarienne. Après, je. Non, je... C'est la viande, c'est partagé, hein. Moi je suis de la viande aussi. Et c'est le côté carnivore aussi. Oui, c'est hein? Ça, exactement. Ouais. Et aussi, qui peut être un peu effectivement dangereux, tu vois, de manger. Le cannibalisme. Oui, voilà, tout ça, oui. Ça me parle. L'utilisation de la viande, de notre viande, de la viande de l'autre. Et la perte aussi. Ouais. Tu veux la viande, c'est bien. Si tu étais un mot. Toi. Ça veut dire que je continue de parler. Tu vois, de quelque chose qui de toute façon restera toujours adressé, tu vois. Besoin de parler. À l'autre ou à toi-même? Oui, non, aussi? Non, à l'autre. Bon, à moi. Moi je suis en dessous. Ok. C'est sous-jacent. Ouais. Si tu étais une saison. Je crois que c'est un truc avec une. Moi je suis né le 24 juin, donc si tu veux, pour moi, c'est. Moi le 2. Voilà, c'est la fête des Québécois le 24 juin. C'est vrai, ça. Ah oui! Ah oui! Ah, mais merveilleux! Ah, ma Québécoise! Donc, c'est ça, c'est, toi, c'est aussi les feux de la Saint-Jean, c'est tout ça. C'est... Ben, chez nous, c'est ça, les feux de la Saint-Jean. C'est, quand c'est... Ah, ouais. Oh, oui. Le lien à la terre qui aujourd'hui est difficile à. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de cette nature-là, toi, du jaillissement qui me parle beaucoup. Si tu étais un membre corporel. Thank you. je vais dire ce que tu as mentionné il y a quelques années. Oui, je pense que j'ai dû dire un phallus à ce moment-là. Oui. Si tu veux le... Oui, ça, c'est mon côté provo, et c'est vrai, c'est juste. Toi, c'est juste. Mais aujourd'hui, t'as-tu lâché le phallus pour... Je sais pas. Okay. Je sais pas. Si tu veux, je... Comme je vais peut-être créer des choses avec un peu de manipulation. Ok. C'est-à-dire transformation? Non, oui, c'est ça. De... Bon, je ne vais pas vraiment faire du théâtre d'objets, parce que je ne suis pas sûrement doué. Ça, j'aurais déjà fait, probablement. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais je voudrais travailler aussi avec un peu des objets. Et donc, peut-être que c'est plus la main dans ces cas-là que la main. Le phallus. Oui, mais en même temps, la main, c'est le phallus. Non? Voilà, c'est ça. Donc, si tu veux, tout ça est relié. Si tu étais à un moment de la journée? Oh, la nuit. La nuit. Pour dormir ou pour travailler ou pour... Ah non, la nuit, pour être pour promener. OK, pour errer. Oui, voilà. Aimes-tu l'errance? Oui, beaucoup. Oui. Moi, j'ai l'impression que je suis toujours un peu errante et nomade. Hein. Ouais. Ah oui, j'aime beaucoup. Et la nuit est quand même le moment privilégié pour errer, oui. Alors, en tournée, toi, t'es heureuse parce que oui, voilà, exact. Tu vois des choses que tu n'aurais jamais vues. Absolument. C'est quand même un cadeau. Absolument, oui, c'est un cadeau. Si tu étais un autre individu... Un autre individu? Bon, ça, je le suis un peu tout le temps. Ouais, moi, c'est bien, on n'est pas comédien, c'est pas compliqué, hein? Tu veux que je sois Marie-Madeleine, je serai Marie-Madeleine. Tu veux dire un autre individu dans la vie qui existe? Ben, une personne qui existe. Excusez, peu importe. Un autre individu... J'avais dû dire De Gaulle. De Gaulle? Non, à ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose de fascinant, si tu veux. Et là... Un individu, j'ai pas encore écrit. Annette, c'est un autre projet, ça. Tu veux... Sur ça, le champ du possible est énorme. C'est effectivement. Le monde nous appartient. Ouais. À choisir, est-ce que tu ferais le même chemin? Je crois qu'on n'a pas le choix. Voilà, c'est ça le truc. C'est-à-dire qu'on croit qu'on choisit, hein, c'est vrai. On est, on s'occupe la tête à ça. Mais qu'il y a quelque chose qui nous... Moi, je choisis tous les jours, si tu veux. On va dire ça comme ça. C'est ça la liberté, hein? C'est la liberté, mais toi, cette liberté... Elle est orchestrée dans un monde avec des énergies autour, avec ce que je suis capable même de me dire. Est-ce que je choisis ça ou ça? Déjà ça, c'est déjà avoir fait un espèce de paysage pour soi-même. D'être déjà dans un paysage avec des orchestrations qu'on comprend. Donc si tu veux, si j'en suis arrivé là, moi, tu vois, à être dans ces choix-là, ça, c'est pas forcément c'est quelque chose qui me parcourt. Tu vois, c'est la même question qu'à quel moment donné j'ai commencé à jouer, tu vois. Moi, je crois que j'ai commencé à jouer à 7 ans, sans savoir que je jouais, et donc... Enfin, on joue tout le temps, hein, vois, donc, avec si une boîte de carton, on crée... Et ce chemin-là, quand t'as 7 ans, tu joues, quoi. Alors, ça s'est ouvert et ça s'est jamais arrêté. Tu joues toujours avec ta boîte de carton. Exact. Et tes projets? Tu en as plein la tête, comme on a dit. Si tu veux, la prochaine création, en tout cas, qui est nommée, pour laquelle je vais partir à la Chartreuse, à nouveau écrire au mois de novembre prochain. Ça s'appelle « J'ai un vieux dans mon sac, si tu veux, je peux te le prêter. » Ah, c'est bon. Et tu as déjà une idée? J'ai déjà fait une étape d'écriture. Mais pourquoi ce titre? Comment ça t'est apparu dans le cortex cérébral? C'est un endroit pour moi de l'anarchie. Très clairement, c'est très politique, le vieux. Le vieux, il est éminemment politique parce que, c'est ce que je fais dire déjà à une de mes vieilles dans les tentatives, c'est que je suis libre, j'ai plus rien à perdre. Et cet endroit d'écriture où je suis libre, j'ai plus rien à perdre, moi, m'intéresse beaucoup. Mais surtout, je suis proche de la fin, donc je me freinerai pas. Et du coup, pour moi, c'est aussi une espèce de rêve de révolution. Je me suis toujours dit que ça passerait par les vieux. Ils n'ont plus rien à faire. Ouais. Aujourd'hui, si tu veux, le vieux... c'est le non-productif, tu sais. Donc on est non-productif pendant les 30 premières. On est productif de 30 à 60, maximum. Il y a déjà 55, déjà ils sont mis au rancard direct. Tu as 25 ans pour avoir ton existence sociale. Le reste du temps, tu te justifies sur autre chose. Combien tu coûtes à l'autre? C'est ça. Et cette violence-là, si tu veux, elle est quand même super intéressante, d'autant plus que le vieux, il est uniquement défini sur un principe économique. Or que non, c'est un champ énorme d'existence. Mais déjà là, utiliser le mot vieux, c'est réel. Donc on se le cache pas, on dira pas des personnes âgées, mais un vieux, c'est un vieux. Voilà, ouais, exact. Et donc, on a peur des mots, hein. Voilà, c'est une violence. On a peur des mots. Oui, beaucoup. Oui. C'est une violence sociale, hein, le vieux. Dire un vieux, c'est une violence sociale. On ne veut plus le dire parce que justement, on est violent avec le vieux. Donc voilà, moi j'affirme effectivement le vieux, ça c'est sûr. As-tu peur de vieillir, Vincent? Peur de vieillir? Non, de mourir, excuse-moi. Ah, de mourir? Je crois pas. On sait jamais, il paraît, donc c'est un peu présomptueux de dire ça aussi. Ouais, peut-être les dernières secondes avant, tu veux pas lâcher. Non, parce que si tu veux, je compagnonne avec ma morte. En toi? Oui. Alors, tu as une morte en toi qui... Ben, j'ai créé un spectacle qui s'appelle « Ma mort n'est la faute de personne », qui est une phrase... Ma mort est la faute de personne. Ma mort n'est la faute de personne, qui était sur mon propre enterrement. J'ai créé ça en 2012. Oui. Ah oui, on a parlé. Oui. Voilà. Et donc, si tu veux, après, je vais peut-être repasser dedans à nouveau, toi, parce que j'ai dit des choses à ce moment-là qui ne sont pas exactement tout ce que je veux dire, parce que tu sais, c'est toujours un foyer sans fin. Eh ouais. Mais surtout, tu as vieilli, donc tu as autre chose à dire. Voilà, mais... c'est-à-dire que maintenant, si tu veux, je peux négocier avec ce grotesque qui m'intéresse. Enfin, je sais pas si c'est grotesque ou arbonbut. Bon, ou arbonbut, arrête, on t'a rentré ça dans la tête. Ouh, en pas brut, trop quoi, ouais, non, mais c'est accessible. En tout cas, quelque chose d'un peu énorme, ouais, évidemment, ouais. Qui doit surgir pour arriver à... Mais voilà, non, je crois pas que j'ai vraiment peur de mourir. Que tu vas travailler là, bientôt sur le vieux, est-ce que tu veux que ce soit burlesque ou plus dramatique ou interrogatif ou Ben, il y a quelque chose qui va être sûrement un peu violent parce que s'approprier le vieux comme un objet, c'est violent. Oui, très, oui. En même temps, c'est ce qu'on fait. Oui. Donc, si tu veux, mais il ne faut pas avoir peur non plus de ce qu'on est. Voilà, donc ça va exister effectivement fortement. Après, va exister aussi tout le côté loufoque que j'ai. Que je sais pas. Pour moi, il y a quelque chose de très très drôle dans notre vivant. notre corps est très drôle. La façon dont on a d'être démunis, de pisser, tout ça, c'est assez drôle. Toi, moi, je trouve ça très drôle. Est-ce que tu regardes les autres évoluer ou si tu te regardes davantage évoluer toi-même? C'est-à-dire que ça aurait un sens, ça, de se regarder évoluer. Pourquoi pas, sans être nombriliste. Pour pas faire de la redite, pour pas remâcher les mêmes mots. Ben, je me demande où j'en suis, tu vois, voilà, je me demande... À la fin ou au début, comme disait Plastique Bertrand. Je me dis, voilà, j'essaie, tu vois, de prendre du recul parfois sur des trucs. Après, ce qui te fait avancer, bon ben, non, ça c'est... Lorsqu'on te voit souvent sur des photos en train de regarder un spectacle, t'es toujours souriante, t'es toujours lumineuse, t'as toujours l'œil qui... Un enfant qui voit pour la première fois un ruisseau, t'es très ouverte et t'es une bonne spectatrice, je trouve. Oui, oui, oui, oui, j'aime bien, j'aime bien. Ben oui, parce que si on n'a jamais fini de voir, quand même. Hein. Non. Tu veux, moi, je n'ai peut-être rien vu. Voir, c'est revoir, toujours reposer un regard, à chaque fois. Ce n'est pas avoir vu. Avoir vu n'existe déjà plus. Tu vois, c'est vraiment de se demander où on est, qu'est-ce que fait l'autre, qui il est, c'est bizarre, et un truc. Tu vois? Avant de se quitter, à chaque fois que je viens à Paris, je vois des gens très, très pauvres. Ouais. Qui demande le monde. Ouais, ouais, ouais. Comment tu réagis face à ça? Est-ce que tu es rendu comme la majorité de nous, un peu, comment dire, c'est rendu normal, c'est la normalisation de voir des très très pauvres nous demander de la... Parce qu'on donne très peu, là. On donne très très peu. Puis même si on donne, ça n'aidera pas la personne. Non, hein? Non, non. Mais c'est pas en donnant de l'argent qu'on va les aider. Si tu veux, c'est une situation très très complexe, hein, de là où on est, nous, dans notre... Parce qu'en fin de compte, tu t'aperçois que, évidemment, tu peux donner 1 euro, 10 euros, ça revient pas forcément au même dans le moment, mais c'est pas ça qui va changer la situation. Donc, si mais sa situation à lui aussi, là, en tant qu'homme ou en tant que femme. Donc... Moi, par exemple, là où je travaille, tu vois, à la Porte de Vanves, il y a des gens déjà très pauvres qui sont dans des maisons, encore, mais qui sont quand même des gens excessivement démunis et très, très appauvris, parfois, tu vois. Donc moi, je chemine avec eux, par exemple. Ça, c'est un de mes combats, tu vois. Quand je vais dans les foyers, tu vois, Emmaüs, tu vois, etc. Là, j'ai encore rencontré des gens qui étaient dans des résidences, tu vois, où je rencontre des réfugiés, des... Je chemine comme je peux, moi, avec eux, tu vois, sur des petits bouts de temps de vie. Mais je sais bien que je ne peux pas les aider au sens les aider. C'est ça qui est complètement dramatique, tu comprends? Au sens économique, tu veux dire? Ben oui, enfin, tu vois, ça veut dire... Déjà, écouter quelqu'un voilà, dans sa faiblesse. Ma mission à moi, telle que je sais faire, peut-être aussi, tu vois, c'est de poser des actes poétiques, tu vois. C'est très... Ce qui est rien du tout, tu vois, dans l'histoire de l'humanité. C'est de les faire oublier aussi leur tracas. Mais tu vois, par exemple, là, sur un des banquets, justement, là, voilà, de ce repas que j'ai filmé, là, en juin, il y a un monsieur irakien, tu vois, un peu âgé. Un vieux. Voilà, qui est là, qui a réussi à venir ici, un peu protégé, mais... Il disait, là, c'est mon vrai anniversaire, aujourd'hui. Parce qu'il va manger, il va... Oui, parce que tout d'un coup, il était avec une... Il me dit, vous êtes ma famille. Donc il a... Ok, tu vois, c'est des toutes petites bulles. Tu vois, cette famille du moment, peut-être que j'arrive à donner à des fois un sentiment de famille du moment, régulièrement, ou dans les rencontres que je fais avec... Parce que moi, je n'arrête pas de rencontrer énormément de monde, tu vois. Cette porte ouverte en permanence, qui est le lieu de la compagnie là-bas, la Porte de Vanves. Et après, la façon dont je peux aider, toi, concrètement, c'est oui, tu peux toujours donner un peu, quoi, de temps en temps. Tu donnes, quoi. Moi, je regarde, je prends le temps de regarder, de sourire. Ouais, tu souris beaucoup, ouais. Mais est-ce que tu es conscient... Peu. Est-ce que tu es conscient que tu fais du bien, que tu aides les autres sans le savoir, avec ton énergie, avec... Peut-être, écoute. Est-ce qu'on te le dit? tu m'as fait du bien, tu m'as fait oublier mes problèmes. Oui, oui, ça peut arriver. Est-ce que ça te touche encore? Sans doute que oui. Tu fais pas ça pour... Oui, j'aime bien détourner. Enfin, quand c'est ça, moi, je détourne un petit peu le... Je réallume, tu vois, une petite flamme du vivant de l'autre. C'est merveilleux. C'est pas ça que Dieu fait, non? Alors chacun est un peu Dieu sans le savoir. Ah, peut-être, oula. Non, mais Dieu, parce qu'on l'a sacralisé, malheureusement. Oui, voilà, c'est ça. C'est pas le Dieu comme le vieux que... Il faut aussi désampouler les mots. Les mots, mais c'est vrai. Dieu, c'est pas quelque chose de si énorme que ça. Non, non, bien sûr. Mais ça, faut s'y attaquer. Ah oui, là, mais il y a tellement de sujets. Il y a tellement c'est de sujets. Un vrai champ en soi. Est-ce que ça t'intéresse d'y creuser? Oui, oui, oui. Mais ça, c'est... Il y a tellement de sujets. Tu sais, je viens d'un milieu très, très chrétien au départ et j'ai beaucoup de strates. Oui, oui. De strates qui appartiennent à cette culture chrétienne, catholique. Hein. Tu les acceptes encore ou tu les as refusées? J'accepte, mais j'en ai jamais rien fait encore. Ça, c'est encore terrain secret, terrain non abordé. Ça surgit parfois de temps en temps. Hein. Alors, tu es croyante? Comme on peut l'entendre, non? Non, après, je suis mystique, peu mystique. Ce métier est un peu mystique. Hein. Ouais, oui, oui. Imaginez que c'est du vivant. Toi, je dis, toi, je me prends peut-être pour Dieu moi-même. Hein, toi, c'est-à-dire... Ben, c'est ça que je te disais tout à l'heure. Regardez, je suis vivant. Attends, c'est déjà ça. Toi, mon corps est vivant. Vraiment. Profitons-en. Toi, je veux dire, c'est... La chair est encore animée. Donc, c'est ça. Si tu veux, c'est cet endroit-là est un peu mystique où je repose l'acte comme étant un acte. Pas magique, parce que tu vois, bon, dans magie, en magie au sens magie, genre, oh, je fais surgir le lapin, bon. Ou la magie noire aussi, c'est plus obscur. Voilà, plus... donc si tu veux, mais quand même, ouais. Moi j'attends que l'acte reste un acte, effectivement, donc unique, donc forcément un peu magique. Donc, dessous, cette chose-là est en trame, c'est une trame, un rituel. Mais pour ce qui est d'aborder Dieu au sens nommer Dieu, là, c'est un sujet. Et ça, c'est faut un peu s'en occuper quand même. Ben oui, parce que c'est un sujet très intéressant, très fort, très... Exact. Et t'imagines bien que c'est, si je l'aborde moi, ça sera sûrement... ça n'ira pas dans le sens du poil de rien. Non. C'est-à-dire que je voudrais creuser, parce que je vais déterrer, tu comprends? Oui. Et voilà. Et as-tu peur de voir ce que tu vas trouver là-dedans, en dessous de ça? Creuser, il m'a fallu creuser. Ouais. Ouais. J'ai dit ça aussi vers fin dans les textes. Il m'a fallu creuser pour voir en face. Creuser. Donc, Alors tu es une mineure de fond? Je sais pas. Avec ta lumière au frontal. Il faut que je creuse. Si on renouvelle toutes les années. Est-ce que c'est rempli d'interrogations quand tu creuses? Est-ce que c'est rempli de. De mysticisme, ou si c'est clair comme de l'eau de roche et... Moi, je pense que si j'aborde la religion, ce qui est... je sais que je l'aborderai un jour ou l'autre, tu vois. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Donc, c'est plutôt... Et je te verrai en curé, moi. Gluant. Oui. Tu vois. Enfin, ton personnage pourrait être un curé. Oui, tout à fait. Oui. Juste pour faire déjà là réagir. Bien sûr. Une femme curée, c'est improbable. Et ça remet en question toute l'idée Exactement. De la religion. Bien sûr. Des femmes aussi, ça revient. Ouais, absolument, oui. La religion est très, très coincée là, en ce moment. Hein, pourquoi, encore aujourd'hui, il y a des hommes, des prêtres, des curés qui sont habillés encore? Oui. D'une manière médiévale. Médiévale, oui, on peut, oui, exactement. Oui, c'est ça, ça revient. Exact. Ça vient de là, les costumes. Exact, les religieuses aussi. My father wasn't joking when he told me how to write. I say my father wasn't joking when he told me how to write. Encore en même temps, en même temps ressembler aux autres, c'est quoi? C'est... Ou ressembler à soi-même, peut-être, je sais pas. Marie-Lou, c'est merveilleux à chaque fois. On se revoit dans 4 ans avec ça autant. Marche. Mais c'est plaisant. Hein? J'adore te rencontrer. T'es toute pétillante. Moi aussi. Puis il se passe toujours quelque chose. Parce que je crois qu'on est sur le même chemin, puis on défriche peut-être à des endroits différents sur la planète, mais on défriche. Ouais. Et c'est ça l'intérêt. On se pose des questions aussi. On n'arrête jamais. Il n'y a rien d'acquis. Non. Rien d'acquis. Demain, tout peut changer. Même dans 2 minutes, tout peut être modifié. Ça, il pourrait y avoir une souris. Tout change. Il pourrait y avoir n'importe quoi. Alors, il faut être dans l'instant présent. Et aujourd'hui, maintenant, à ce moment précis, je suis très heureux de t'avoir rencontré. Moi aussi. C'est toujours une ouverture vers le monde. Ouais, moi aussi. Et t'es aussi, tu es plein d'idées. Et c'est rare aujourd'hui. Les gens, quand tu dis qu'il y en a qui ils savent pas quoi faire de leur journée, au contraire, moi, 24 heures, c'est pas assez. Mais c'est ça, voilà, c'est peux-tu ça. Peux-tu en rajouter d'autres? Je sais pas. Est-ce qu'il y a du bonus? On peut avoir du bonus? Est-ce que je peux prendre des photos, comme d'hab? En plus, c'est pas mal, toi, t'es à Londres. Donc, les photos... Non, c'est vrai. Au soleil, c'est pas très bon des photos. Oui, c'est ça. Est-ce que tu utilises un appareil comme ça pour filmer ou si c'est vraiment une caméra? Oui, c'est ça. C'est des gros comme ça. OK. C'est des gros comme ça, tu vois. Moi, là, tu fais de la gymnastique. Ben non. J'ai 53 ans quand même. Mais assez en forme. Non, mais c'est parce que c'est mon pantalon qui est serré. Oh, encore deux. Une. Bon. On y va. OK, merci. Merci beaucoup. Ah oui, c'est bien chaleureux avec toi. Mais surtout que ça a passé un cheveu de pas se faire. Hein? Oui. Comme d'habitude, hein? C'est toujours. c'est un peu le cirque. Est-ce qu'on va arriver à se retrouver? Là? Oui, c'est ça. Ouais. Mais la vie est assez folle. Que... Oui, ouais. Et quand on peut se. Quand on peut se rencontrer, ben on en profite. Ouais. On en profite. Ouais. Puis là, ben toi, où tu t'en vas après, qu'est-ce que tu fais? T'as-tu des projets? Oui, ben là, je vais aller jouer. Ben, il y a ce spectacle que je reprends, là, tu sais, qu'on a joué il y a 20 ans. Mais quand tu reprends, ça veut dire que tu te réaccapares le texte, c'est pas facile? Oui, c'est ça, voilà. Bon, ça va, parce que si tu veux, c'est un spectacle sur lequel on a été réunis. C'était une aventure assez atypique, okay. Comme j'aime, quoi. On était une trentaine de comédiens réunis par un metteur en scène. Il a créé sa compagnie avec ce spectacle-là, donc toi, c'est un acte fédérateur. Et on joue tous des lettres qui étaient adressées par des chrétiens entre les deux guerres à l'abbé Violet. Et on a démarré ce projet dans les cafés. Donc moi, c'est la première fois que j'ai découvert vraiment les cafés en tant qu'en jouant. Comme ici, là. Donc c'était une révélation. Ah, c'est ça, c'est comme ici? Oui, c'est ça. Okay. Ouais. Et donc, dans Paris, il y en a, oui. Et après, oui, si tu veux, on avait chacun notre lettre. On l'a joué pendant presque plus de 10 ans, ce spectacle. Et il y a eu un succès énorme, on a joué partout, partout, partout. À chaque année, tu jouais combien de fois par année? Au début, on jouait beaucoup, beaucoup. Mais comme lui, il faisait des montages pendant le soir, il y avait simplement 10 comédiens. Donc, tu vois, tu faisais autre chose, tac, bon, bah, hop, tu reprenais le. Tu vois. Donc, c'était très joyeux parce que c'était très libre. Et là, donc, pour les 20 ans de la compagnie, il a voulu reprendre. Avec les mêmes personnes? Avec les mêmes personnes. Qui sont toujours là, ouais. C'est quand même. Il y en a qui sont décédés dans, okay. Dans le lot, tu vois. Alors a... tu vas. Quoi, tu. Bah, ces lettres-là ne sont plus jouées. Ok. Oh. C'est les lettres qui nous appartiennent. C'est une espèce de rituel, lui aussi, qu'il avait besoin de raconter. C'est des lettres perdues. Les lettres, là, bon, bah, si tu veux, elles seront plus jouées, en tout cas, dans ce spectacle-là. Voilà. Est-ce que ça va rendre quand même justice à la pièce il y a 20 ans si toutes les lettres ne sont pas lues? Elles n'étaient jamais toutes lues, okay. Jouées, hein, c'est pas lu. Okay. Toutes jouées les mêmes ensemble. Okay. Sauf quand on faisait ce qu'on appelait des intégrales. L'intégrale, dure combien de temps? L'intégrale, c'était presque 3 heures. Hey, je vais voir une pièce à la rentrée de Robert Lepage. La pièce dure 8 heures. Ah ouais, c'est parce ça, que Lepage. Nous sommes des. comment dire? Donc, ceux qui ramènera la pièce à quelque chose de 2 heures, dans 2 heures, 2 heures et quart. Donc, on est un public cible. D'accord. Mais c'est vrai. C'est super. Ah oui, c'est super. Ah, ben, Robert Lepage, tu connais. Oui, oui, oui, bon, sûr. Alors, ah, ouais, ouais, mais ça, c'est... quand tu dis que tu vas faire partie d'une pièce de Robert Lepage, c'est-à-dire que tu vas faire le test. Ben, ou le test, oui. L'expérience, c'est super. Ah oui, ah oui. 8 heures. De... Bien, bien. Mais c'est un être aussi très avant-gardiste, mais qui est... Comme là, on lui a construit un théâtre. Mais des millions et des millions de dollars. Là. Donc, on est loin de Marino avec le théâtre de rue. Pas de théâtre, ouais. Non, mais c'est mieux. Écoute, ouais. Moi, non, je reste nomade. Je t'assure, sincèrement, j'adore ça. Ah, parce que je... Mais toi, l'errance, c'est comme on disait tout à l'heure. C'est... Ah, mais moi, tu sais, j'avais une copine, une amie belge comédienne qui avait acheté un camping-car. Je lui dis, mais écoute, c'est ça, emmène-moi sur les routes. Je lui dis, mais c'est tout ce que je cherche, moi, être sur les routes et rencontrer des gens et continuer de créer, c'est tout. Créer, écrire, faire des petites, je sais pas quoi, des petites bulles de trucs partout. Est-ce qu'elle va le faire? Mais non, elle me dit non. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui veulent faire ça. Pourquoi? Je sais pas, ils n'ont pas idée que c'est ce qui est plus intéressant. Ils sont tenus aussi par des contingences financières ou toi. Est-ce que tu vas voir du théâtre plus classique ou si ça fait longtemps que tu n'as pas vraiment expérimenté? Il y a des équipes que je suis un peu, si tu veux, mais j'ai pas beaucoup le temps, tu sais. Ok. Ça, là, c'est vraiment, là, les 2 dernières années, ça a été un peu c'est fou. Chaud. Hein. Ah oui, et on te voyait tout le temps sur Internet. Et toi, je pouvais pas faire des choses pour moi, au sens de Marido. Hein. Mais je me suis dit, mais je vais m'appauvrir, c'est clair et net. Je vais devenir une pauvre fille, quoi. Tu n'as plus rien dans la tête. Tu vois, je pouvais plus me nourrir, tu vois. Alors ça, c'est la fatigue extrême. Parce que je ne pouvais plus passer une soirée avec même des gens que j'aime, plus passer, tu vois, aller voir un spectacle que j'ai envie de voir et non pas des choses dont tu es un peu obligé de faire. Pareil pour les expos, tu sais, moi j'aime beaucoup, beaucoup. Moi, je suis très lié aux arts plastiques, ouais. De façon générale. Tu vois. Est-ce qu'il y a des musées que tu visites souvent ici et que... qui te sont chers? Bon, j'ai eu plus de voir des expos. Ok. Et actuellement, est-ce qu'il y a des expos qui sont. Il y a, comment elle s'appelle? Oui, il y en a une à Beaubourg, là, de cette femme, justement, Martha. Martha Graff? Non. Comment elle s'appelle? C'est une anglaise? Oui, je pense, oui. Et si tu veux, elle. Là, je veux absolument y aller. Je me souviens plus de ce nom, c'est horrible. Et ça... C'était une des amantes de Picasso. Ah oui? Est-ce que c'est actuellement présenté? Oui, c'est ça. Ah, mais je vais aller voir ça. Ah oui, oui. Ah, mais si tu veux, on peut y aller. Hein. On peut y aller ensemble si tu veux. Moi, j'ai un petit peu de temps. Je suis assez contente. Un petit peu de temps. Ah, tu veux dire aujourd'hui? Non, non, pas aujourd'hui. Ok, ok. Ah, non, moi, j'ai des rencontres. C'est ce qu'on compte aujourd'hui. Non, pas aujourd'hui. Non. Mais je me dis, parce que je vais y aller sûrement dans les 10 prochains jours. Je crois. Ok, je regarderai ça avec toi. Ouais, ouais. Parce que si tu veux, ça m'intéresse beaucoup. Parce que justement, elle a été un peu, tu vois, mise au rencard du fait que Picasso, forcément. Bon, après, c'est un monstre. Toute la place. Ouais, c'est un monstre. C'est normal. Hein, ça, c'est normal que lui ait pris sa place. Ah oui? Mais qu'elle n'ait pas eu sa place. Ça, c'est pas normal. Mais pourquoi c'est un peu comme Rodin? Moi, c'est ça. Et donc, ça, c'est pas juste. Parce qu'elle était tout aussi pertinente que lui. Si tu veux. Donc, voilà. Donc, de ce point de vue-là, évidemment, je veux voir son œuvre vraiment. Lui faire des petits clins d'œil. Ok, oui. Dire que je suis là. Oui, oui. Et le combat persiste. Et, exact. Et puis aussi, même peut-être profiter de ce qu'elle a créé. Et... Est-ce que tu vois ça, ton travail? Après ça, j'ai plus de questions, je vais arrêter là. Est-ce que tu vois ton travail comme un combat? Parce que ça revient souvent dans ma bouche, combat, ou ça coule. Ah, ben oui, c'est un combat, oui. Mais la vie après, là, j'ai été un peu gâté. Il faut se méfier, toi, peut-être. Je deviens peut-être une enfant gâtée. L'enfant gâté dans quel sens? Ben, qu'il y a des choses peut-être qui m'arrivent maintenant que j'ai pas besoin de lutter pour avoir, par exemple. Ouais, mais tu as travaillé longtemps pour arriver à ça. Donc, c'est pas gâté, c'est... Tu vois, donc... Écoute, si tu plantes une graine, c'est sûr que ça va donner... Voilà, c'est ça, ça pousse, ouais. Alors, faut pas se gêner de prendre des fruits après ton arbre. Voilà. C'est à toi, cet arbre-là. Mais faut quand même savoir ce que... Il faut se remettre en question, c'est ça que tu veux dire, en un mot. Non, attends, ce n'est pas que je prends le fruit de quelqu'un d'autre. Non, non, non, ça, je pense. C'est ta graine que tu as placée. Voilà. Mais, par exemple, sur l'histoire de la fatigue, dans mon équipe, tu vois, il disait, par exemple, tu n'es pas obligé d'accepter toutes les dates. Du genre, les petites dates, oh. Tu n'acceptes pas. Moi, ça n'allait pas du tout. Ça mais non. Mais ça va à l'encontre aussi de tes. Exact. Tes j'ai dit, mais attendez, mais moi, je veux justement aller là, je sais pas où, trifouiller. Oui, oui, oui, parce que si toi, tu y vas pas, qui va s'y rendre? Moi, je veux y aller. Et alors, du coup, se pose toi. Donc, voilà. Donc je maintiens ce bastion-là, tu vois, de effectivement. Après, c'est pas. Il y a des petits problèmes d'organisation. C'est ah, tout. Ben oui, ça, c'est. Ce oui. qui n'est pas si grave. Ça, c'est vraiment pas grave. Ah non? C'est pas grave. C'est vraiment le truc, ça, c'est. Voilà. Eh bien, merci. Je t'en ai un peu préoccupé. Non, okay, ça va, merci. Ça va. Non. Okay. Saw you this morning. You were moving fast. Can't seem to loosen my grip on the past. And I miss you so much. There ain't nobody else in sight. We're making love like we used to. Oh, in my secret life, in my secret life, I smile when I'm angry. I've cheated and I've lied. I did whatever I had to do. Trying to get by, but I know what's wrong, and I sure know what's right. And right now I die for the truth. Oh, oh, oh, my secret lie, my secret life. Hold on, hold on, my brother, my sister, hold on tight. Finally got my orders. I'll be marching through the morning, marching through the night, moving across the borders. If you look through the papers, child, it'll make you wanna cry. Don't nobody care whether the people live or die. And the dealers want you to think that it's either black or white. Thank God it ain't that simple. I want in my secret life, Lord, in my secret life, in my secret, secret life. In my secret life. Chers amis, si je vous ai bien compris, vous êtes en train de dire à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois, à la prochaine fois.